podes vir a qualquer hora. Cá estarei para te ouvir. O que tenho para fazer, posso fazer a seguir. J'étais petit, je jouais de rôle. Entre le double R délinquant ou bien le romain drôle. J'entraîne la mort subie de tous mes neurones. Mais mes cellules jeûnent par apoptose. Et je suppose que j'ai bel et bien le trouble de toutes les mémoires. Mon organisation est devenue bordélique comme ma vie. Le ciel gris, le grésillement de ma voix. Où est-ce que je pourrais te voir? La lune nous accompagnera. Aussi, je multiplie le risque de maladie, le risque de délinquance, le risque de niquer ma vie. Je diminue mes capacités cognitives. J'augmente les chances d'un cancer définitif. J'bois un verre d'eau à ta santé. Pas d'excuses pour m'innocenter. J'étais mal et j'ai centré toutes mes habitudes dans la fumette. En plan B, se travailler, soi-même changer le danger. C'est que je sois un jour autant tombé. Podes vir à qualquer hora. Cá estarei para te ouvir. O que tenho para fazer, posso fazer a seguir. J'allume mon bédo, je fume et je me lève tôt. C'est dur, morale à zéro. Je consume mon bédo, j'abîme mes vaisseaux. C'est dur, j'ai une morale à zéro. Je sature sans métro, ça tourne dans le ciboulot. J'abuse de ma conso. Je m'amuse vraiment pas trop. La muse de mon patron, l'enclume dans mon dos. Je suis dans la cure et je m'en accuse. Mon cerveau fuse, faut qu'on m'excuse. Je pensais pouvoir le faire mais je ne peux pas. Dans 5 minutes c'est l'enfer, attends 5 minutes pour voir. Je passe de la dépression au fou rire, c'est interminable. Je passe de la dépression au fou rire, c'est interminable. C'est le côté double R qui parle. Podes vir à qualquer hora. Cá estarei para te ouvir. O que tenho para fazer, posso fazer a seguir.